Et il y a beaucoup de fées également. Je ne sais pas si ta blonde s'intéresse aux fées. Ah, y a beaucoup mes gars me l'ont pas demandé. Mais... De fées. Et il y a Francine Descaries, qui est professeure à l'UQAM, en études féministes, qui dénonce ça. Fort à propos, d'ailleurs, elle est en ligne. Bonjour, Mme Descaries, comment allez-vous? Oui, bonjour, M. Wall, ça va bien, et vous? Très bien. C'est épouvantable de voir ça, les petites filles déguisées en fées. Moi, j'y en avais tout autour de moi lors de ce spectacle-là de Disney. C'est spécial à voir. C'est tout à fait spécial et dans le fond, c'est tout à fait conjoncturel et je vous dirais que ça relève largement d'une entreprise commerciale. C'est américain, hein? C'est très américain et en fait, dans le fond, dans une certaine mesure, on a joué, si vous voulez, sur des stéréotypes traditionnels. Les garçons sont pas exempts hein, de cette campagne de socialisation là, axée sur les stéréotypes. Mais c'est très sexiste, c'est les petites autos. Les filles sont compensées par les super-héros, hein? Je veux dire, on impose aux garçons comme aux filles des modèles là, tout à fait stéréotypés et qui font pas sens dans la réalité non plus. Là, puis la petite fille, regardez, on a vu Barbie, les petites filles veulent être en Barbie, puis tout ça, ils perdent beaucoup de temps à se peigner leur Barbie, c'est du sexisme de bas étage. Absolument. Et tout est basé, dans le cas des petites filles, sur le paraître. Hein? Oui. Finalement, ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on disait aux femmes il y a 100 ans. Sois belle et tais-toi. Hein? Je vais te regarder et puis tu vas décorer mon environnement. Et puis, d'une certaine mesure, cette mode-là des fées ou des princesses, là, incite vraiment, vraiment à l'inaction. Elle insiste absolument à cette idée de « je suis là pour l'autre, hein? Je suis là pour paraître, je suis là pour être bien dans tes yeux ». Et ça, vraiment, je pense que c'est un recul notable dans la marche des femmes vers l'égalité entre les hommes et les femmes. Faudrait se rebeller. Quand est-ce qu'on va prendre la décision de se rebeller? On essaie de travailler auprès des parents, des garderies. On essaie de rendre le message le plus accessible possible, de sorte qu'on comprenne ce que ça veut dire de reproduire ça. C'est pas une petite robe de princesse une fois dans la vie d'une enfant qui va faire, qui va avoir des effets dommageables, mais c'est la répétition, hein. Les jeux, oui. Regardez les jeux vidéo Les poupées, les baguettes magiques, les robes, c'est tout ça qui fait. Et pour les hommes aussi, c'est un abrutissement généralisé des autos. Nous, ils nous mettent des autos, cars, des autos américaines aussi, tout le temps. À condition que vous la conduisiez vite et que quelque part que vous soyez un super héros dans cette magnifique voiture. C'est l'apologie de la performance et de la vitesse. À un moment donné, c'est à quelque part, il va falloir faire des choix. On nous dit la vitesse c'est dangereux, tout ça. C'est l'apologie de la course, de la vitesse folle dans notre société. Mais vous voyez toujours un garçon associé à action. Oui. C'est associé à paraître. C'est ça le moule qu'il faut briser. Oui, c'est absolument ça le moule qu'il faut briser. Et c'est très difficile parce que, surtout à l'âge où on s'adresse à elles, les petites filles veulent être pareilles, elles veulent être acceptées dans un groupe d'amis. Et d'une certaine manière, elles ne reçoivent que l'aspect, je dirais, féerique, quoi, on va prendre ce terme-là, elles ne reçoivent que l'aspect glamour de cette insistance sur leur apparence. Et avez-vous déjà pensé à jouer, à faire du sport ou des actions, je dirais, dynamiques quand vous êtes embarrassé dans vos jupons et vos dentelles? Et donc, c'est toujours la même chose. Et ça nous est rentré dans la gorge par des multinationales. J'imagine qu'en arrière, puis je suis pas dans le secret des dieux, mais est-ce qu'il y a une machination derrière ça, une espèce de plan pour ramener les femmes au foyer dans leur chaîne d'antan? Moi, je pense effectivement que si on n'était pas dans une ère de conservatisme, il y aurait eu beaucoup plus de résistance, si vous voulez, à cette tendance de l'industrie. Mais dans une certaine mesure aussi, il faut bien croire que dans cette division sexuelle là, des stéréotypes, mais aussi des pratiques et des objets qu'on destine aux enfants, il y a un fort impact, où je dirais qu'il y a... Non, je veux pas parler, j'aime pas tellement parler en termes de complot, Mais c'est quasiment ça. Il y a quand même une concertation pour développer des marchés. Avec les groupes proches de Stephen Harper également, qui font la promotion de la famille traditionnelle. Ben, absolument, mais moi je vois même, un exemple que je donne souvent, par exemple, à quel point on exploite en ce moment cette division sexuelle des genres, là, c'est pareil, oh, il y a 20 ans, un bécic rouge du petit garçon, il passait facilement à la petite fille. Et le bécic rouge de la petite fille passait facilement au garçon. Mais maintenant, on a créé un double marché. Parce que jamais le petit garçon va vouloir prendre le petit bécic rose de sa sœur. Et l'inverse est aussi vrai. La petite fille va absolument vouloir avoir le beau petit bécic violet, turquoise ou rose. Parce que on lui assène toujours la même logique. Toi, tu es faite pour être princesse. Exact, Madame Descary. Moi, je porte beaucoup de chemises roses au travail. Si vous saviez les colibets, les cancans que ça provoque. Ah, Dominique, le féminisme, ça, les gens rient de moi, mais savez-vous quoi? J'ai une bonne carapace, par contre. Je suis capable de m'en sortir. Je suis contente de l'entendre. Hey, Madame Descary, je voulais également vous dire, on a vu également lors de ce spectacle-là, totalement débridé de Disney, Barbie, mais qui danse de manière délurée avec Ken. Tu sais, c'est l'apologie du modèle hétérosexuel des années 50, encore une fois, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, avec les gays, les lesbiennes, les transgenres, je veux dire, ces gens-là, se sentent exclus là, de ce modèle-là américain. Mais encore une fois, vous voyez, c'est cette division très nette, elle permet de développer deux marchés. Et il faut voir là des rapports entre effectivement entre le capital puis le patriarcat, je dirais, ou l'hétérosexisme, au sens où on sait fort bien que on a une clientèle hein, pour cette furie, ce débridage, comme vous le mentionnez. Oui. Mais de l'autre côté, on va pouvoir développer un autre marché pour que des gens aussi se sentent impliqués ou se sentent interpellés. Mais peut-être dans la danse débridée, moi, ce qui me fatigue un peu plus encore, c'est à quel point maintenant on rend nos petites filles adultes rapidement et on leur apprend à utiliser leur corps. Oui, les talons hauts, les jupes, et même pour Ken, il était en costume de bain, en pectoraux pour les gens. Non, mais c'est vrai, placez-vous à la place des hommes. On s'attend à ce qu'on performe. C'est une pression, encore une fois. C'est ça, c'est ça. Et d'une certaine mesure, c'est toujours sur ce modèle de la division des genres. Oui. Et cette division des genres, elle s'inscrit dans des stéréotypes qui ont bougé, il faut pas se nier. Là. Ils ont bougé, c'est-à-dire qu'on a gagné certaines victoires. Oui, on n'adhère plus aussi fermement à ces stéréotypes-là. Ils gouvernent pas nécessairement toutes nos vies, mais on n'a qu'à penser chez les femmes adultes à tout le recours au régime, à la chirurgie plastique, aux contraintes que les femmes s'imposent pour répondre à une image absolument inatteignable. L'esclavage de la beauté, moi j'appelle ça comme ça, moi. L'esclavage de la beauté, tout pour plaire aux hommes. Vous avez tout à fait raison. Et tout ça, pour plaire aux hommes. Et ça, c'est peut-être le lieu où on doit revenir en tant que féministe pour lutter contre cette imposition de normes qui assignaient encore les femmes à des espaces qui ne leur donnaient ni pouvoir, ni statut de citoyenne, ni capacité d'autonomie. C'est le patriarcat encore qui est valorisé par entre autres Stephen Harper, les groupes très proches de lui, de droite. C'est le patriarcat qui fait qu'on étouffe dans ce carcan-là, qui empêche... Tout à fait. Et si on regarde toute l'influence, entre autres, on sait sur Stephen Harper, par exemple, de la religion, il est bien évident que les discours qui sont portés dans les différentes religions monothéistes du monde sont toujours des discours qui placent les femmes en situation d'infériorité. Et l'Église catholique ne tombe dans la même panneau. Je veux dire, en refusant, par exemple, l'ordination des femmes ou en nous imposant un clergé qui est tout à fait masculin, qu'est-ce qu'on fait? On confirme encore le fait que les hommes possèdent l'autorité et le savoir. Et dans certaines sectes religieuses, cette conception-là est poussée bien plus loin encore, parce que dans la religion catholique, je dirais ou dans les religions chrétiennes, on a fait un peu de chemin, mais dans toutes ces nouvelles sectes, dans toutes ces nouvelles religions, je peux pas comprendre que les gens votent pour Stephen Harper encore. Tu sais, considérant tout ça, le recul de la femme, c'est vrai, ils sont libres de voter pour qui ils veulent. Mais je peux pas comprendre. Tu sais, c'est une vision des années 50. Il fait appel aux mêmes valeurs qu'Henri Bourassa, auxquelles Henri Bourassa faisait appel dans les années 20 pour pour lutter contre le droit de vote des femmes. Les femmes sont l'équilibre, les femmes apportent la sérénité et l'affection. Pourquoi les transformer Henri Bourassa disait en furie, là. Je pense bien que Stephen Harper oserait pas prendre ce terme, mais dans une certaine mesure, il y a pensé. Je veux dire, c'est toujours dans cette logique de, il y a un groupe qui doit dominer et ce groupe-là doit être impliqué dans le maintien de l'ordre et de la paix. Et comment le faire? Ben, contraignons encore les femmes à occuper une place inférieure dans la société. Et Mme Descaries, ce qu'on remarque également avec ces émissions-là sur les faits, avec le Disney on Ice qui est présenté, c'est la tyrannie de l'esthétique. C'est le maquillage pour être encore quoi plus belle, pour plaire davantage, c'est quoi? C'est le maquillage qui est de plus en plus complexe, de plus en plus sophistiqué, et des filles qui vont même se tatouer avec du piercing également pour plaire encore. C'est quoi? Où on s'en va? C'est toujours un refus de qui nous sommes intrinsèquement. C'est toujours c'est toujours dans cette même dynamique-là. Se définir, prendre sa valeur dans le regard de l'autre. Oui. Et je vous dirais qu'en ce moment... Les femmes doivent apprendre à s'aimer pour ce qu'elles sont. Absolument. Et cesser de tenter de plaire aux hommes. On a 2000 ans, je vous dirais, d'histoire d'inconscient collectif à corriger. Alors, c'est pour ça que, en fait, le féminisme existe, pour rappeler que ces rapports de sexe-là, que les contraintes qui sont inscrites dans ces rapports de sexe-là ne font pas sens et étaient simplement une façon d'imposer un pouvoir patriarcal. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait des féministes qui manifestent leur désapprobation. Où sont les féministes aujourd'hui? Je les trouve désabusées, je les trouve démobilisées. Disons que je ne sais pas si elles sont démobilisées, parce que pour ma part, j'organise un colloque international qui va rejoindre presque 600 à 800 personnes au mois d'août prochain. Bravo. Mais je dirais qu'il y a par contre, en quelque part, il y a deux choses. Il y a un mythe de l'égalité déjà là. Notre société nous fait vivre à cette idée que l'égalité pour les hommes et les femmes est déjà un fait accompli et que donc, dans le fond, tout ce qui reste à faire, c'est des petites scories qui vont disparaître au fur et à mesure. L'autre dimension de cette illusion de l'égalité déjà là, ça entraîne une baisse de l'indignation. Et une fois que vous n'êtes plus indigné, effectivement, dans un contexte où effectivement tout nous apparaît objet d'indignation, on vient de parler d'Apple et on pourrait parler aussi des couples de M. Couillard, comme tout devient objet d'indignation. Oui. Mais parlons-en, là, vous venez de m'allumer, là, je m'en allais là-dessus. Les compressions, l'austérité à la Couillard, c'est le recul de la femme, encore une fois. C'est vraiment une position anti-féministe. Absolument. C'est le pire recul des 20 dernières années. Absolument. Et entre autres, on pourrait parler, par exemple, des coupures dans les services de garde et dans les écoles au niveau des soutiens à l'enseignement et autres. Mais qu'est-ce qu'il veut, Couillard? Que les femmes restent à la maison? Ben, j'oserais pas dire ça. Non, mais qu'est-ce qu'il veut? Ben, Couillard est obsédé par une idée, hein. C'est quoi son idée? La réduction du déficit, mais tout est axé sur coupons. Ben, c'est ça. Sans prendre en compte qu'il y a des femmes aussi qui vont être coupées là-dedans. Oui. Et où sont les femmes ministres? Où sont les femmes ministres? Pourquoi elles ne se lèvent pas pour mettre fin au patriarcat une fois pour toutes? Je dirais que nous avons déjà eu des équipes plus fortes. Ah oui. C'est sûr. Mais, c'est pas Mme Payette, on est loin de ça, là. Absolument. Et tout est dans un même contexte, hein, un contexte où il y a un individualisme rampant, il y a un individualisme qui touche tous les secteurs de la société, et d'une certaine mesure, il est très difficile, surtout quand on a ce sentiment d'impuissance, quand on a cette idée qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour régler la situation, mais il est évident que... J'aimerais me confierais. Un gouvernement solidaire serait mieux. Évidemment, on est loin du compte, mais qu'est-ce que vous en dites là-dessus? Moi, je suis peut-être un peu plus réaliste et je me dis qu'il faudrait peut-être trouver une solution médiane. C'est évidemment qu'il faut que notre compréhension de la société soit basée sur une idée de solidarité. Vous avez absolument raison. Qui peut mieux la mener ou qui peut mieux poursuivre cet objectif? Je ne sais pas en ce moment si on a vraiment un gouvernement qui réussira à le faire ou des partis qui réussira à le faire, mais c'est certain que on ne peut pas tout miser sur la croissance économique des grandes entreprises pour régler les problèmes de la société. Ben, vous avez parfaitement raison, puis je tiens à vous remercier de la part de tous nos auditeurs pour votre combat que vous menez, et c'est un combat qui mérite d'être mené jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Mme Descarrie. On ne lâchera pas, je vous assure. Ben, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Merci. Au revoir. Francine Descarrie, donc, de l'Institut de recherche d'études féministes à l'UQAM. Et vous êtes en plein Vendredi Rose dans Morelive. Ça fait du bien.